Le rendez-vous de la Commission des relations avec le pays hôte de l'ONU s'est tenu le 13 au siège de l'ONU à la proposition de la représentation permanente de la République populaire démocratique de Corée à l'ONU. On y a discuté de l'affaire d'enlèvement par les États-Unis des colis diplomatiques de la représentation permanente coréenne à l'ONU. Le conseiller de la représentation coréenne à l'ONU a expliqué les circonstances de l'affaire et l'a accusé de violation intolérable de la souveraineté de la République populaire démocratique de Corée et de provocation pernicieuse à l'encontre du droit international. Les colis diplomatiques ont le droit inviolable et le droit à la protection suivant l'article 27 de la Convention de Vienne sur les rapports diplomatiques. Ce disant, le conseiller a continué. Tout de suite après l'affaire, le département d'État américain en a présenté ses excuses officielles, mais il remet toujours le renvoi des colis diplomatiques sous divers prétextes. La provocation voyoute des États-Unis montre à quel point parvient leur politique d'hostilité envers la Corée et témoigne clairement l'arrogance et le cynisme des États-Unis qui se conduisent grossièrement sans égard au droit international. La Commission des relations avec le pays hôte de l'ONU est tenue de reprocher dignement aux autorités américaines la gravité de l'affaire et de demander la responsabilité des conséquences. Les États-Unis doivent rendre tout de suite et sans condition les colis diplomatiques en question et prendre des mesures pratiques pour ne pas violer de nouveau la souveraineté des pays membres de l'ONU. Le délégué chypriote à l'ONU, président de la réunion de la Commission des relations avec le pays hôte de l'ONU, ainsi que les délégués de nombreux pays participants comme la Chine, la Russie, Cuba, l'Iran et la Syrie, ont estimé cette affaire grave et jamais pardonnable. Ils ont fait remarquer que, tout comme la demande du côté coréen, les États-Unis doivent présenter les excuses officielles pour la violation de la souveraineté, rendre tout de suite les colis diplomatiques coréens et respecter aussi bien la Convention de Vienne sur les rapports diplomatiques que la sécurité corporelle de toutes les délégations venues participer aux conférences onusiennes aux États-Unis et le droit inviolable des colis diplomatiques.